Kernok le pirate, de Gensu, chapitre 2. Got Kalet, Deusan Armoric. C'était un homme dur de l'Armoric, proverbe breton. C'était lui, c'était Kernok, qui frappait à la porte. Voilà un digne et brave compagnon, jugez-en. Il naquit à Plougasnou. À 15 ans, il se sauva de chez son père, s'embarqua sur un négrier, et là commença son éducation maritime. Il n'y avait pas à bord de mousse plus agile, de matelot plus intrépide. Nul n'avait le coup d'œil plus perçant pour découvrir au loin la terre voilée par la brume. Nul ne serrait un hunier avec plus de prestesse et de grâce. Et quel cœur! Un officier laissait-il négligemment errer sa bourse? Le jeune Kernok la ramassait avec soin. Mais sa camarade avait part au contenu. Volait-il du rhum au capitaine, il partageait encore scrupuleusement avec ses intimes. Et quelle âme! Combien de fois, lorsque les nègres que l'on transportait d'Afrique aux Antilles, engourdis par le froid humide et pénétrant de la cale, ne pouvaient se traîner jusque sur le pont pour humer l'air pendant le quart d'heure qu'on leur accordait à cet effet, combien de fois, dis-je, le jeune Kernok ne rappela-t-il pas la moiteur et la transpiration sur leur peau glacée en hâtant leur marche à coups de corde? Et M. Durand, canonnier, chirurgien, charpentier du brick, remarquait judicieusement qu'aucun des Congos soumis à la surveillance de Kernok n'était atteint de cette somnolence, de cette torpeur qui affectait les autres nègres. Au contraire, les siens, à la vue du menaçant bout de corde, étaient toujours dans un état d'agitation, d'irritabilité nerveuse, comme disait M. Durand, d'irritabilité nerveuse, fort salutaire. Aussi Kernok obtint-il bientôt l'estime et la confiance du capitaine négrier, capable heureusement d'apprécier ses rares qualités. Ce bon capitaine affectionna le jeune matelot, lui donna quelques leçons de théorie, et un beau jour le fit second du navire. Lui se montra digne de cet avancement rapide par son courage et son habileté. Il découvrit surtout une manière de caser les nègres dans le faux pont, tellement avantageuse que le brick, qui jusque-là n'en pouvait contenir que 200, put emporter 300. À la vérité, en les serrant un peu, et en les priant de se mettre sur le côté, au lieu de se goberger sur le dos comme des pachas. Ainsi disait Kernok. De ce jour, le négrier prédit à son protégé la plus haute destinée. Dieu sait s'il accomplit cette prédiction. À quelques années de là, un soir qu'il cinglait vers la côte d'Afrique, le digne capitaine de Kernok, ayant bu un peu plus de tafia que de coutume, était de bonne et joviale humeur. Assis sur sa fenêtre, fumant sa longue pipe, il s'amusait à suivre la direction des épais tourbillons de fumée qu'il lançait gravement, ou à regarder d'un œil fixe le sillage rapide du navire, hâtant de ses vœux le moment où il reverrait la France. Puis il pensait avec amour aux belles campagnes de la Normandie, où il était né. Il croyait voir encore la chaumière dorée par les derniers rayons du soleil, le ruisseau limpide et frais, le vieux pommier, et sa femme, et sa mère, et ses tout petits enfants, qui attendaient son retour, soupirant après les beaux oiseaux dorés et les tissus aux vives couleurs qu'il leur apportait de ses courses lointaines. Il croyait voir tout cela, le pauvre homme, sa pipe que le temps avait rendue noire comme l'aile d'un alcyon, sa pipe était tombée de sa bouche entrouverte. Il ne s'en était pas aperçu. Ses yeux se mouillaient de larmes. Son cœur battait avec violence. Peu à peu, les efforts de son imagination tendus vers un même point, peut-être aussi l'influence du tafia, donnèrent à cette vision fantastique une apparence de réalité. et le bon capitaine, avisant dans son ivresse que la pleine mer était cette riante prairie, tant regrettée, eut la folle idée de vouloir aller s'y ébattre. Pour ce faire, il s'avança sur le bord de sa croisée et tomba à l'eau. D'autres disent qu'une main invisible le poussa, et que le sillage argenté du navire fut un moment rougi. Le fait est qu'il se noya. Comme le brick se trouvait près des îles du Cap-Vert, la houle était forte, la brise fraîche. Aussi le matelot du gouvernail n'entendit-il rien. Mais Kernock, qui était venu rendre compte de la route au capitaine, dut s'apercevoir le premier de l'accident auquel il n'était peut-être pas étranger. Kernock avait une de ces âmes fortement trempées, inaccessibles aux mesquines considérations que les hommes faibles appellent reconnaissance ou pitié. Or, il parut sur le pont sans qu'on pût remarquer en lui la plus légère émotion. « Le capitaine s'est noyé, » dit-il avec calme au contremaître. « Et c'est dommage, car c'était un brave. » Ici, Kernock ajouta une épithète que nous nous abstenons de répéter, mais qui termina d'une manière pittoresque l'oraison funèbre du défunt. Oh, Kernock était laconique. Puis, s'adressant au pilote, « Le commandement du navire m'appartient comme second du bord. Ainsi, tu vas changer de route. Au lieu de gouverner au sud-est, tu mettras le cap au nord-ouest, car nous allons virer de bord et gagner Nantes ou Saint-Malo. » Le fait est que Kernock avait en vain tâché de dégoûter le défunt capitaine du trafic des nègres, non par philanthropie, non, mais par un motif bien plus puissant aux yeux d'un homme raisonnable. « Capitaine, lui disait-il sans cesse, vous faites des avances qui vous rapportent tout au plus 300%. À votre place, moi, maître, je gagnerais autant, et même davantage, sans débourser un sou. Votre brick marche comme une dorade. Armez-le en course. Je réponds de l'équipage. Laissez-moi faire, et à chaque prise, vous entendrez la chanson du corsaire. » Mais l'éloquence de Kernock n'avait jamais ébranlé la volonté du capitaine, car il savait parfaitement que ceux qui embrassaient cette noble profession finissaient tôt ou tard par se balancer au bout d'une vergue. Aussi l'inexorable capitaine était-il tombé à la mer par accident. À peine Kernock se vit-il maître du navire qu'il retourna à Nantes pour recruter un équipage convenable, armer son bâtiment et mettre à exécution son projet favori. Et voyez s'il n'y a pas une providence. À peine arrivé en France, il apprend que l'Angleterre nous a déclaré la guerre. Il obtient une lettre de marque, sort donner la chasse à un trois-mâts marchand et rentre avec sa prise à Saint-Paul-de-Léon. Que dirais-je de plus? Le bonheur favorisa toujours Kernock, car le ciel est juste. Il fit maintes prises aux Anglais. L'argent qu'il en retirait s'écoulait rapidement dans les tavernes de Saint-Paul. Et c'est au moment de se remettre en mer pour battre monnaie, comme il disait dans son naïf langage, que nous le voyons arriver au sein de la respectable famille de l'écorcheur. « Mais, sacrebleu, ouvre donc » répéta-t-il en secouant vigoureusement la porte. « Vous restez tapis comme des goélands dans le creux d'un rocher. » On ouvrit.